tout jamais. Deux ou trois choses, je veux que tu saches. Je n'ai jamais eu aucun secret. Loin de moi les jeux de cache-cache. Personne n'aime se faire critiquer. Personne n'aime entendre la vérité. On pense tous avoir raison, chacun à sa façon. Tu diras c'est facile que d'accuser une personne sans défense. Mais je te sais très bien armé, malgré tes airs d'innocence. Je t'ai donné un an de ma vie, c'est peu mais c'était sincère. Je t'ai aimé non pas à la folie, mais tendrement et fier. J'étais jeune et très naïf, subjugué par ta beauté. Oui, je sais que tu t'en crisses, replié dans ton orgueil, ta vanité. J'aurais voulu que tu exprimes tes sentiments, que tu me dises ce que tu ressens. Mais tu m'as traité de tous les noms, comme si j'étais le pire des démons. Tu as joué avec mon cœur, sans penser aux conséquences. Ça a peut-être fait ton bonheur, mais quelle insouciance. Tu te crois mieux que tout le monde, et personne n'est mieux que toi. Même ta sœur te gronde, et ta mère ne te comprend pas. Impossible pour toi de comprendre, tu voulais rien entendre. Et ce qui m'a rendu malade, c'est d'avoir gobé tes salades. Je ne suis pas mieux qu'un autre, je sais que j'ai des défauts. Ne me demande pas à qui la faute de tes 980 mots. Un beau matin, je me suis réveillé, tu dormais avec un étranger. Et l'enfant dans la chambre d'à côté, je m'en suis occupé depuis qu'il est né. J'ai pris mes responsabilités, je peux pas en dire autant de sa maman. T'auras jamais rien à me reprocher, ni hier, ni demain, ni maintenant. Bien sûr, il aimerait te connaître, en savoir un peu plus sur toi. Mais à part ces cadeaux de fête, tu ne t'en préoccupes pas. Mes paroles te sembleront cruelles, tu croiras que je règle mes comptes. C'est qu'il ne suffit pas d'être belle, et de la réalité, je n'en ai pas honte. Serais-tu capable d'aimer quelqu'un d'autre que toi-même? La vie, c'est pas une pièce de théâtre, tu ne la joues pas sur la scène. Tu veux toujours avoir raison, toujours avoir le dernier mot. J'en ai rien à foutre de toute façon, j'ai pris ma guitare, mon sac à dos. Je suis parti tellement loin pour essayer de t'oublier. Crois-moi, j'en ai fait du chemin depuis que l'on s'est séparé. Tu ne changeras jamais, tu te crois bien dans ta peau. Alors reste ce que tu es, pour ce que ça vaut. Essaie au moins de ne pas blesser les gens qui t'entourent, ceux qui voudraient te donner un peu de leur amour. Je ne vais pas m'apitoyer sur le sort que tu m'as jeté, car les dés sont jetés et je dois m'en aller. Je te dis quand même merci, car près de toi j'aurai appris à me méfier des gens qui te ressemblent étrangement. Oui, je te dis quand même merci, car près de toi, j'aurai appris à me méfier des gens qui te ressemblent étrangement.